Proverbe chapitre 23. Quand tu seras assis pour manger avec quelques seigneurs, considère attentivement ce qui sera devant toi. Autrement tu te mettras le couteau à la gorge, si ton appétit te domine. Ne désire point ces friandises, car c'est une viande trompeuse. Ne travaille point à t'enrichir, et désiste-toi de la résolution que tu en as prise. Jetteras-tu tes yeux sur ce qui bientôt n'est plus, car certainement il se fera des ailes, il s'envolera comme un aigle dans les cieux. Ne mange point la viande de celui qui a l'œil malin, et ne désire point ses friandises. Car selon qu'il a pensé en son âme, tel est-il. Il te dira bien, mange et bois, mais son cœur n'est point avec toi. Ton morceau, que tu auras mangé, tu le voudrais rendre, et tu auras perdu tes paroles agréables. Ne parle point, le fou t'écoutant, car il méprisera la prudence de ton discours. Ne recule point la borne ancienne, et n'entre point dans les champs des orphelins. Car leur garant est puissant, il défendra leur cause contre toi. Applique ton cœur à l'instruction, et tes oreilles aux paroles de science. N'écarte point du jeune enfant la correction, quand tu l'auras frappé de la berge, il n'en mourra point. Tu le frapperas avec la berge, mais tu délivreras son âme du sépulcre. Mon fils, si ton cœur est sage, mon cœur s'en réjouira, oui, moi-même. Certes mes reins tressailleront de joie, quand tes lèvres proféreront des choses droites. Que ton cœur ne porte point d'envie aux pécheurs, mais adonne-toi à la crainte de l'Éternel tout le jour. Car véritablement il y aura bonne issue, et ton attente ne sera point retranchée. Toi, mon fils, écoute, et sois sage, et fais marcher ton cœur dans cette voie. Ne fréquente point les ivrognes, ni les gourmands. Car l'ivrogne et le gourmand seront appauvris, et le long dormir fait vêtir des robes déchirées. Écoute ton père, comme étant celui qui t'a engendré, et ne méprise point ta mère quand elle sera devenue vieille. Achète la vérité, et ne la vends point, achète la sagesse, l'instruction et la prudence. Le père du juste s'égayera extrêmement, et celui qui aura engendré le sage, en aura de la joie. Que ton père et ta mère se réjouissent, et que celle qui t'a enfanté s'égaie. Mon fils, donne-moi ton cœur, et que tes yeux prennent garde à mes voies. Car la femme débauchée est une fosse profonde, et l'étrangère est un puits de détresse. Aussi se tient-elle en embûche, comme après la proie, et elle multipliera les transgresseurs entre les hommes. À qui est, malheur à moi? À qui est, hélas? À qui les débats, à qui le bruit, à qui les blessures sans cause, à qui la rougeur des yeux? À ceux qui s'arrêtent auprès du vin, et qui vont chercher le vin mixtionné. Ne regarde point le vin quand il se montre rouge, et quand il donne sa couleur dans la coupe, et qu'il coule droit. Il mord par derrière comme un serpent, et il pique comme un basilic. Puis tes yeux regarderont les femmes étrangères, et ton cœur parlera en insensé. Et tu seras comme celui qui dort au cœur de la mer, et comme celui qui dort au sommet du mât. On m'a battu, diras-tu, et je n'en ai point été malade, on m'a moulu de coups, et je ne l'ai point senti. Quand me réveillerai-je? Je me remettrai encore à le chercher.